il avance un pas hésitant, tenu par un léger espoir qu'on sait déjà inexistant. Perdu dans un épais brouillard, percé par des bruits révoltants, il avance lentement au regard, l'angoisse au ventre en sanglotant. Dans une aube beaucoup trop trouble, il patauge en se débattant, de peur que son âme ne se dévie et le laisse dans un état rebutant. J'attends. pour éteindre la nuit triste, trop célèbre. J'attends l'éclat de la lumière brutale, briser la façon des ténèbres. J'attends le fier soleil si vital pour brûler la froideur.